بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 46 dans l'explication du livre de l'imam As-Sabuni rahimahullah, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, avec les commentaires et les explications de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. On est arrivé dans le chapitre qui s'intitule Al-Iman qawlun wa amal yazid wa yanqus. La foi, hein, c'est composé de la parole et des actions, et elle augmente et elle diminue. Naam. Et au dernier cours, on avait mentionné certaines preuves, et on a mentionné certains versets qui indiquent que effectivement la foi est composée des paroles et des actions, et qu'elle augmente et qu'elle diminue. Et elle augmente avec la foi et elle diminue avec les péchés. Donc la définition de la foi selon Ahl Sunnati wal Jama'a, comme on l'avait expliqué, c'est que يعني الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكما ذكر المؤلف رحمه الله الإيمان قول وعمل ومعرفة والمعرفة يعني الاعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc la foi c'est composé des paroles et des actions et de la croyance du cœur. Elle augmente avec les obéissances et elle diminue avec les péchés. Maintenant le cheikh il va mentionner d'autres exemples, des preuves dans le Coran qui indiquent que la foi elle peut augmenter, elle peut diminuer. Et pourquoi le cheikh il concentre beaucoup de temps pour expliquer cet élément là de la foi? Et bien c'est parce qu'il y a des sectes, parmi les sectes comme les Murji'a par exemple, qui eux refusent d'affirmer que la foi augmente et diminue. C'est-à-dire que pour certains, la foi, elle est statique. Ils considèrent que la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, et que c'est quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas, et que tout le monde a la même foi. Les prophètes, les anges, les pécheurs, les gens, les sahaba, qui a dit ça? En fait, c'est les Murji'a. La secte qu'on appelle Al-Murji'a. Et parmi les Murji'a, on a expliqué qu'il y a différentes Ferak, qui sont à des degrés différents d'égarement. On avait parlé au dernier cours de la secte des Jahmiyyah. Eux, ils disent que la foi, c'est la connaissance seulement. C'est-à-dire, si tu connais Allah, t'es mu'min. Et on avait expliqué qu'en se basant là-dessus, si on disait ça, eh bien, ça impliquerait même que Pharaon était mu'min et que Iblis était mu'min. Oui, ils sont allés loin, effectivement. Après, il y a yani, la secte des Asha'ira, wa alaykum salam wa rahmatullah. Al-Asha'ira wa al-Maturidiyya. Eux, ils disent que al-Iman huwa al-Tasdiq faqat. Al-Tasdiq bil-Qalb. Yani, al-A'mal laissat min al-Iman. Ça veut dire, peu importe les péchés que tu fais, ta foi ne diminue pas. Et peu importe que tu négliges toutes les obligations, ça ne fait pas diminuer ta foi non plus. Ça veut dire, si tu ne fais pas la salat, si tu fais le zina, tu manges du porc, tu... Yani, n'importe quoi, ta foi est toujours le même. Et ça, c'est en fait, c'est une aqida très dangereuse. Effectivement. Mais tu sais que beaucoup de gens, même sans avoir nécessairement étudié la aqida des Asha'ira, ils répètent cette aqida-là, sans même s'en rendre compte, ou même parfois... C'est parce que c'est une aqida qui s'est propagée tellement insidieusement dans la société, dans certains pays musulmans, que c'est devenu la croyance générale. Au point où, si tu vas rencontrer un musulman et que tu vas lui dire, s'il ne fait pas la salat, tu lui dis, « Ya akhi, viens faire la salat. » Il te dit, « Al-Iman fil qalb. » C'est pas vrai? Tu n'as jamais entendu ça? On l'entend tout le temps. Donc, cette parole qu'ils disent, c'est en réalité une parole qui est inspirée de la aqida de ces gens-là. Al-Murji'a ou Al-Asha'ira. Il y a beaucoup de soufis qui ont cette aqida aussi. Ils pensent que l'important, c'est qu'est-ce qui est dans le cœur selon eux, et que peu importe qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ne font pas, eh bien, c'est pas grave, du moment que leur cœur est bon, ils sont bons. Et ça, c'est de l'égarement total. Hein? Donc, il y a cette catégorie-là. Ils disent, Al-a'mal laysat min al-iman. C'est juste at-tasdiq. Tasdiq bil-qalb. Et il y a aussi ceux qui disent, yani, at-tasdiq bil-qalb wal-qawl bil-lisan. Ça, c'est murji'atul fuqaha. Ils ont ajouté al-lisan, mais pas les actions du corps. Seulement al-lisan. C'est ça. En voulant dire que si tu crois dans ton cœur puis tu dis ash-shahadatayn, t'es mu'min. Même si tu ne fais pas les actions par la suite, ça c'est murji'atul fuqaha. Al-murji'atul fuqaha, c'est l'ahnaf. Al-ahnaf ou al-maturidiyya. C'est la secte des maturidiyya. Et il y a aussi une autre secte qu'on appelle al-karramiyya, dont on va parler plus tard. Je vais te dire la vérité, mon frère. Quand on parle des Asha'ira, ils sont dans beaucoup de pays où le madhab est le madhab al-maliki aujourd'hui. Et aussi al-Shafi'i également. Et également al-Hanafi. Pourquoi? Parce que à une certaine époque, il y a eu certains individus qui ont propagé dans les pays musulmans où ces madhahib étaient propagés, yani, ces idéologies, ces croyances des Asha'ira, et ça s'est propagé et c'est devenu cette aqida qui a pris le dessus sur la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et maintenant, c'est ce qui est devenu la norme. Malheureusement, beaucoup de gens, ils te disent « Ana maliki fil fiqh, ash'ari fil aqida » et yani fi suluk yani huwa ala tariqa min at turuq as-sufiyya. Donc il mélange. Si pourtant l'imam Malik il était pas ash'ari, parce que l'ash'ari il est Abu al-Hasan al-Ash'ari, celui qui a inventé cette aqida ou celui à qui elle est attribuée, il est né yani en 260 après la Hijra. Et on dit qu'il était pendant 40 ans de sa vie dans la secte des Mu'tazila. Et c'est à 40 ans qu'il s'est désavoué de cette secte et qu'il a adopté la aqida qu'il a, qui est suivie par ceux qui le suivent aujourd'hui, qui est la aqida al-kullabiyya, al-ash'ariyya. Et c'est plus tard avant de mourir, quelques années avant de mourir, qu'il s'est repenti de ça et qu'il est revenu à la aqida d'Ahl-Sunnah. Sauf que les gens qui le suivent aujourd'hui, ils ne suivent pas sa dernière position. Ils suivent sa position qui était celle après qu'il ait quitté les Mu'tazila. Et c'était une voie qui était un mélange hein, de la croyance des Mu'tazila et un mélange de certaines positions d'Ahl Sunnah. Mais c'était confus. C'était pas clair. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contradictions dans ses croyances et dans ses positions. N'empêche que à cause du fait que certains imams ont accepté cette croyance-là, ou certains ulama ont accepté cette croyance, ils l'ont propagée beaucoup. Et certains aussi, certains parmi les dirigeants qui ont été, disons, affectés par cette croyance aussi, étant donné que c'était eux qui étaient au pouvoir, ils ont imposé cette aqida dans les pays où ils étaient, yani, au pouvoir. Et ce qui fait que ça s'est propagé beaucoup par la suite. Donc, on peut dire vers le 5e siècle après la Hijra, c'est là que ça s'est vraiment propagé plus. Et dans le Maghreb, les gens ont toujours été sur la aqida de l'imam Malik, l'aqida d'Ahl-Sunnah. Et même que si tu lis par exemple la aqida des imams, des compagnons de l'imam Malik, et des ulamas qui étaient maliki dans le Maghreb, comme l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, dans sa risala. Et tu vois, dans l'introduction, sa aqida, c'est la aqida d'Ahl Sunnah. Et sa position sur l'iman, c'est la position d'Ahl Sunnah. De même que l'imam Ibn Abdul Barr, al-Andalusi, c'est la aqida d'Ahl Sunnah. Mais c'est Ibn Tumart. C'est un des individus qui est venu plus tard après, hein, qui a étudié avec Al-Ghazali, qui qui a accepté de lui justement la aqida al-Ash'ariya. Parce que c'est Ibn al-Ghazali était un des des fuqaha qui croyaient en cette aqida de Ash'ariya. Na'am. Et c'est Ibn Tumart, il l'a pris, il est parti dans le Maghreb avec ça et il s'est présenté comme étant le Mahdi. Et il a, disons, imposé cette aqida par la force. Et tous ceux qui refusaient de l'accepter, il les passait à l'épée. Et même que c'est lui qui a fondé par la suite, ou c'est lui qui est à l'origine de la fondation de Dawlat al-Muwahidin par la suite. Donc tout ça pour dire, c'est ainsi que cette aqida Ash'ari s'est propagée dans les pays musulmans, au point où aujourd'hui, lorsque tu regardes dans certains pays du Maghreb, la aqida qui est enseignée, c'est l'aqida al-Ash'ariya. Hein, même l'Azhar, c'est l'aqida al-Ash'ariya. Oui, et tu regardes en Turquie, au Pakistan, en Inde, la plupart, c'est cette aqida. Écoute, pourquoi les gens de bid'a ont inventé des bid'a? C'est ça la question. Des fois, ça, c'est possible qu'il y en a, comme les ulama ils expliquent, certaines personnes, ils peuvent avoir ramené ou inventé des bid'a avec des intentions malhonnêtes ou mauvaises pour égarer les gens. Ça existe des gens comme ça, comme Ibn Saba, Abdullah ibn Saba al-Yahoudi, qui s'était infiltré parmi les musulmans pour propager at-tashayyu', la religion des chiites. C'est lui qui l'a inventé, qui l'a propagé. Oui, c'était un juif, Ibn Saba, al-Yamani. Non, ça c'est plus tard. C'est plus tard. Mawlid al-Nabawi s'est apparu vers les 4 siècles plus tard, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme je dis, Ibn Saba, lui, c'était beaucoup plus tôt qu'il est apparu. Il est venu à l'époque des Sahaba. Donc, Ali, radiallahu anhu, quand il a attrapé les adeptes de parce que Abdullah ibn Saba, il disait aux gens que Ali, c'était Allah. Naam, et que c'était Al-Wasi, toutes sortes de bid'a qu'il a inventées. Il disait que c'est lui qui devait être le khalifa, puis que Abu Bakr et Omar, il a volé le khilafa à Ali. Et puis, toutes sortes de choses qu'il a propagées comme ça parmi les... Mais c'est parce que beaucoup de gens qui avaient accepté l'islam et qui n'ont pas nécessairement connu l'islam en profondeur, beaucoup d'entre eux, ils entendaient ça, puis peut-être qu'ils ont accepté cette personne, qu'est-ce qu'il disait. Et, mais par contre, par la suite, Ali, quand il a entendu ça, ceux qui prenaient cette croyance-là, il les a fait brûler, man. Il les a fait brûler pour les punir, parce qu'il refusait pas, il ne cessait pas de dire qu'il était Allah. Tout ça pour dire, Yanni, que ça, c'est une catégorie. La aqida des qadariyah. Qadariyah, c'est ceux qui nient le qadar. Et bien, parmi ceux qui ont, disons, prôné cette aqida, il y a Amr ibn Ubaid et Ghaylan al-Dimashqi et d'autres. Certains d'entre eux, c'était des chrétiens avant, ils sont devenus musulmans, puis ils ont amené des bid'a des chrétiens et des juifs dans l'islam, puis ils ont commencé à propager ça. Jahm ibn Safwan, c'était une des têtes de l'égarement justement par rapport à ces choses-là. Eh bien, c'est quelqu'un qui justement allait pour faire des débats avec des hindous, avec des bouddhistes. Puis quand lui-même il était confus dans sa religion, il savait pas comment les convaincre. Alors il a commencé à inventer une aqida à lui-même dans sa tête. Et puis il est venu avec cette aqida tul jahmiya. Il a nié les noms et les attributs d'Allah. Et puis il a nié le qadar. Il a nié l'iman. Il dit à l'iman, c'est la connaissance d'Allah seulement. Et il a inventé une nouvelle religion. Tu vois? Et il y a beaucoup d'autres comme ça qui sont venus avec des bid'a. Mais il y en a, par exemple, comme Al-Ash'ari. Lui, sa bid'a, elle n'est pas venue avec une intention nécessairement de faire du tort à l'islam ou aux musulmans, ou une intention malhonnête directement. Des fois, des gens peuvent inventer des bid'ah en pensant faire du bien. Dans le sens que, lui, Al-Ash'ari, quand il a quitté la secte des Mu'tazila, il a essayé de les réfuter, c'est-à-dire de montrer leur égarement. Mais étant donné que sa connaissance de la sunna était limitée, eh bien, il a voulu défendre la sunna sans avoir la connaissance suffisante pour le faire. Ce qui fait qu'il a inventé des choses et en pensant faire le bien, et en même temps, il a ramené des bid'ah dans l'islam. Tu vois? Parce que les ulama, ils mentionnent ça souvent. Ils disent, si tu essaies de réfuter une bid'ah avec l'ignorance, ou bien avec une autre bid'ah, tu risques de créer de nouvelles bid'ah encore plus grandes. Et c'est ça ce qui est arrivé, en fait. Donc, Ibn Taymiyyah, il mentionne à propos de Asha'ira, il dit, « Hum makhanif al-mu'tazila ». Makhanif al-mu'tazila. C'est-à-dire, en voulant dire, c'est comme une sorte de d'i'tizal, mais travesti. Hein? En voulant dire que ils ont essayé de les réfuter, mais ils ont inventé quelque chose qui est presque pareil. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Donc d'où est-ce qu'elles viennent ces bid'ahs? Elles viennent de ça. C'est comme tu dis, par exemple, Isa alayhi salam, il a enseigné le tawhid. Il a enseigné l'adoration d'Allah et la foi en Allah. Moussa alayhi salam, la même chose. Donc d'où est-ce que ça vient le judaïsme et le christianisme? Ça vient des gens, qu'est-ce que les gens ont déformé? Et comment ils ont déformé ça? Parce qu'ils ont suivi leur hawa, ils ont suivi le shaitan, ils ont suivi des shubuhat, ils ont suivi d'autres peuples qui étaient sur du shirk ou des bid'ah, ils ont incorporé ça dans leur religion, et c'est devenu le christianisme. Ils ont suivi les Romains, ils ont suivi les Grecs, ils ont suivi d'autres philosophies, et ils ont voulu interpréter les paroles d'Isa d'une autre façon, ce qui fait que par la suite, c'est devenu une autre religion complètement différente de ce que Isa alayhi salam a enseigné. Donc, la même chose, comme ça s'est passé chez les Juifs et les chrétiens, eh bien, la même chose parmi les musulmans, il y en a qui ont dévié aussi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on expliquait justement à la fin du dernier cours quand tu m'as posé la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72, et cette umma va se diviser en 73 sectes. Donc c'est pour nous dire que, de la même manière qu'il y a des gens avant nous, qui ont reçu un messager et qui ont déformé le message, que ce soit chez les juifs ou chez les chrétiens, sachez que le message que moi j'amène, il y a des gens qui vont venir plus tard, qui vont essayer de le déformer aussi. Et ça va créer des divisions, ça va créer des fausses compréhensions, des mélanges, des divergences. Alors c'est pour ça qu'il a dit, revenez à ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Illa wahida, c'est ça. Et comme l'autre hadith, dans le hadith d'Al-Arbad ibn Sariya, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يعني أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc ça confirme l'autre hadith aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez voir après moi beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés. Hein? Et il a dit, cramponnez-vous à ça et mordez dedans avec vos molaires. Et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car chaque chose inventée est une bid'a. Et chaque bid'a est égarement, et chaque égarement mène au feu de l'enfer. Donc, ces deux hadiths-là, en réalité, sont dans le même sens, dans la même signification. Et tout ça pour nous faire comprendre que ça, c'est une des causes et des origines. Et les ulama, quand ils mentionnent les origines de la bid'a, eh bien, ils mentionnent al-jahl, l'ignorance. Ils mentionnent al-hawa, la passion. Ils mentionnent aussi yani, d'autres causes qu'ils citent. Mais ça, c'est les deux plus importantes. L'ignorance et les passions. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces choses-là. Donc, pour revenir maintenant aux preuves, le cheikh, il dit « Al-adillatu ala al-ziyadati ma dhakarnahu lakum wa minha ayatun kathira wa minha qawlullahi tabaraka wa ta'ala wa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudu as-samawati wal-ard kama fi surat al-fath was-sakinatu hiya at-tama'nina fayazdaduna bidhalika imanan وهذا من الأدلة على أن الإيمان يزيد ومنها قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وهذا الإرهاب وهذا التخويف ما زادهم إلا ثباتا وإيمانا فالآية هذه من الأدلة الواضحة على أن الإيمان يزيد ومنها قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا هذه الآية أيضا من الأدلة على أن الإيمان يزيد ويزيد ويزيد حتى يصير كالجبال والأدلة كثيرة على زيادة الإيمان ومن الأدلة على نقصانه أحاديث الشفاعة فأحاديث الشفاعة فيها أن الإيمان ينقص ومنهم من يكون عند مقدار دينار ومنهم من لا يبقى عنده إلا مقدار نصف دينار ومنهم لا يبقى عنده إلا مثقال ذرة إلى آخره فالإيمان ينقص بسبب المعاصي والذنوب ومنهم لا يبقى منه إلا أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فالقرآن دل على الزيادة على الزيادة والسنة دلت على النقصان بل من القرآن ما يدل على النقصان وهو قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهذا ناقص الإيمان ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فقسم الله تبارك وتعالى في هذه الآية المؤمنون الذين أورث الله هذا الكتاب أورثهم الله هذا الكتاب إلى ظالم لنفسه وهم العصاة لأن إيمانهم ناقص ومنهم مقتصد يعني متوسط يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ومنهم السابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات وهم الذين يقومون بالواجبات ويجتنبون المحرمات ويجتنبون المكروهات ويتقربون إلى الله بالمستحبات. Donc on va traduire ce passage important des preuves qui clarifient l'évidence que la foi elle augmente et qu'elle diminue dans le Coran et dans la Sunna. Parmi les preuves, il y a aussi un autre hadith que le cheikh n'a pas mentionné, mais on va le mentionner quand on va arriver à cet endroit-là, Inch'Allah. Donc il dit, le cheikh, premièrement, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 4, dans Surat Al-Fath, c'est lui qui a fait descendre la tranquillité sur les cœurs des croyants pour qu'ils augmentent en foi, qu'ils ajoutent de la foi à leur foi. Donc, et il dit, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ C'est à Allah qu'appartient les armées des cieux et de la terre. Donc ce verset-là, c'est une preuve que la foi augmente. Et il mentionne le verset 173 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Ceux que lorsque les gens leur disent, les gens se sont réunis contre vous, alors craignez-les. » Et ça augmente leur foi. « وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ » Ils disent « Allah nous suffit et c'est le meilleur des garants. » Et il dit donc cette crainte et cette terreur qu'ils essaient de mettre dans leur cœur des gens, des autres, c'est-à-dire des ennemis de l'islam, eh bien ça ne fait qu'augmenter leur fermeté et leur foi. Donc on voit une preuve ici claire que la foi, elle augmente. Il cite également le verset dans Surat al-Muddathir, le verset 31, dans lequel on retrouve un passage dans ce verset-là. Allah, il dit « وَيَزْدَدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا » Allah Azza wa Jal augmente ceux qui ont cru en foi. Donc ça, c'est encore une preuve que la foi, elle augmente. Il dit qu'elle peut même devenir comme une montagne. Et ça, il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup d'autres preuves que celle-là, mais ça, c'est parmi les preuves. Il dit, en ce qui concerne les preuves de la diminution de la foi, il y a comme preuve les hadiths de la shafa'a. Shafa'a, c'est quoi? C'est l'intercession, hein, au jour de la résurrection. Et cette intercession, elle est supportée et éprouvée par plusieurs hadiths. Il y a de nombreux hadiths qui parlent de shafa'a. Donc ça, c'est il y en a un très très grand nombre. Et le cheikh, il explique que dans ces hadiths-là, il y a la preuve que la foi diminue. C'est quoi la preuve? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que Allah azza wa jal, il va permettre qu'on intercède pour faire sortir de l'enfer les croyants qui sont morts sur le tawhid, mais qui avaient fait des péchés. Et il dit, on va faire sortir ceux qui avaient la valeur ou le poids d'un dinar. Un dinar, c'est une pièce d'or. On va les faire sortir. Hein? Il dit, minhum man yakunu 'indahu miqdar dinar. Donc ils auront le poids d'un dinar. Et il dit, ouais, il y en a qui n'ont plus que la moitié d'un dinar de foi. Et ils continuent à diminuer jusqu'à ce qu'ils disent, et certains, ils ne vont leur rester que le poids d'un atome, al-dharra. Hein? Et après, il dit, donc la foi, elle diminue à cause des péchés, hein, et de la désobéissance. Et il dit, il y en a même qui ont été mentionnés dans d'autres hadiths, dans d'autres narrations, qui disent, adna, adna, adna, mithqala dharratin min iman. C'est-à-dire la plus petite particule d'atome de foi. Ça veut dire que yani, le minimum de la foi qu'ils peuvent avoir dans le cœur, il va les faire sortir de l'enfer pour ça. Hein? Ça veut dire qu'ils sont morts sur le tawhid, mais ils avaient une foi très, très, très, très, très, très faible. Mais à cause de ça, au moins, ils sortent de l'enfer. Hein? Donc, le cheikh, il dit ça, c'est la preuve que la foi, elle augmente. On l'a vu dans le Coran et dans la sunna, la preuve que la foi, elle diminue. Et aussi, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'autres ulama ont mentionné. Le cheikh, il ne l'a pas mentionné ici, mais des ulama l'ont mentionné dans d'autres livres. Ils disent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que « An-nisa naqisatu aqlin wa din » Naqisatu aqlin wa din. Que la femme, elle est, la femme, elle est déficiente en foi et en religion, en raison et en foi. Et quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est sa déficience dans la raison? Il a mentionné le fait que le témoignage de deux femmes vaut le témoignage d'un seul homme. Ça, c'est la preuve de sa déficience dans la raison. Après, il a dit, et quelle est sa déficience dans la religion ou dans la foi? Il a dit, c'est le fait que quand elle a ses règles, elle ne jeûne pas, elle ne prie pas. Donc, ses œuvres sont moindres. Hein? Et à cause de ça, ça affecte sa foi. Ça, c'est évident. La femme musulmane, quand elle ne prie pas, c'est sûr que ça affecte sa foi. Et souvent, tu vas remarquer que la femme musulmane, lorsqu'elle est dans ses règles, dans ses périodes de menstrues, sa foi, elle est plus basse que dans le temps normal lorsqu'elle prie. Donc ça, c'est un exemple que les ulama ont mentionné qui prouve que la foi, elle augmente puis elle diminue. Après, il dit, il y a aussi un autre exemple qui est mentionné dans le Coran qui indique l'augmentation et la diminution de la foi. Et par rapport à la diminution en particulier, le verset 32 dans Surat Fatir. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, « Puis nous avons fait hériter du livre ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs, c'est-à-dire parmi les musulmans, parmi cette Oumma. Il dit, parmi eux, il y a, et là il divise les musulmans en trois catégories. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ. Donc il y en a une catégorie parmi les musulmans qui sont ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, c'est-à-dire ils se font du tort à eux-mêmes. Et ça, c'est celui qui a une foi plus faible. Et l'autre catégorie, c'est Al-Muqtasid. Al-Muqtasid, c'est celui qui est yani, dans le juste milieu, si on veut, dans, l'intermédiaire, la position entre les deux. Hein? Muqtasid, yani, c'est celui qui est entre les deux. Et As-Sabiqu bil-Khayrat, celui qui dépasse tous les autres dans les bonnes œuvres et dans le bien. Et donc ça, c'est les gens qui sont les meilleurs parmi la Ummah. Et le Cheikh, il explique, que Allah Azza wa Jal, il a divisé les musulmans dans ces trois catégories-là par rapport à leur différence dans la foi. Et donc c'est pour ça qu'il dit que parmi ceux à qui il a fait hériter le livre, il y a ceux qui se font de l'injustice à eux-mêmes, c'est les pécheurs, leur foi est plus faible. Il y a ceux qui sont dans entre les deux, c'est-à-dire mutawassit. Il fait ce qui est obligatoire et il s'écarte de ce qui est haram, mais il ne fait rien de plus comme mustahabbat. Il ne fait pas de mustahabbat et il peut faire parfois certaines choses qui sont makrouhat. Il ne fait pas les mustahabbat et parfois il va faire des makrouhat. Donc il est muqtasid entre les deux. Et puis il y a Al-Sabiqu bil-Khayrat. Et Al-Sabiqu bil-Khayrat, lui, il fait les obligations et les mustahabbat, et les choses recommandées en plus. Et il s'écarte de ce qui est haram et de ce qui est makrouh en plus. Donc lui, il a dépassé tous les autres dans la foi, parce qu'il a fait plus d'efforts. Et donc ça, c'est la preuve que les niveaux de la foi des croyants, elle n'est pas au même degré. Il y a des croyants qui ont une foi plus élevée que d'autres. D'accord? Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, وَمِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ الْكَرَّامِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْإِيمَانِ هُوَ النُّطْقُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ وَهَؤُلَاءِ مِنْ فِرَقِ الْمُرْجِئَةِ الْإِيمَانُ عِنْدَهُمْ هُوَ النُّطْقُ بِاللِّسَانِ وَعِنْدَهُمْ الْمُنَافِقُ مُؤْمِنٌ لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والله يقول في هؤلاء إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وهم يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح ولا الاعتقاد ولا شيء فقط النطق باللسان وهذا ضلال وينسب إليهم بعض أهل العلم أنهم يقولون إن المنافق في الجنة ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرد هذه الدعوة ويقول بل هم يرون أن المنافق في النار وهذا تناقض وعليكم السلام وهذا تناقض منهم وجهل. Donc ici le cheikh il explique un autre groupe parmi les groupes des murji'a qu'on appelle Al-Karramiyya. Et eux, Al-Karramiyya, font partie des sectes d'égarement aussi. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent à propos de la foi? C'est que c'est une parole de la langue seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, hein, pour eux, si tu dis « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », eh bien, t'es un musulman. Et pour eux, même le munafiq, il est musulman. Même le munafiq, il est mu'min. L'hypocrite, il est croyant pour eux. Alors que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, dans le verset 1, dans Surat al-Munafiqun, lorsque te viennent les hypocrites, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait que tu es certes son messager, et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. C'est la preuve que les hypocrites ne sont pas des mu'minin, ce sont des croyants. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Les hypocrites seront dans la plus profonde des degrés de l'enfer. Donc eux, ils disent que la foi, c'est la parole de la langue seulement. Donc ça ne comprend pas les actions du cœur, la foi ne comprend pas les actions du corps, la foi ne comprend pas pour eux, ni la croyance non plus, hein, seulement la parole de la langue. Et ça, c'est clair que c'est de l'égarement. Hein. Si la foi, c'était juste par la langue, tout le monde serait croyant. Hein? Et le cheikh dit que certains leur attribuent le fait de dire que l'hypocrite sera dans le paradis. Sauf que Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il réfute cette prétention-là et il dit dans Majmou' al-Fatawa que finalement, eux, ils reconnaissent que le munafiq sera dans l'enfer. Donc, c'est une contradiction de leur part et de l'ignorance. Et ça, c'est le résultat obligatoire de toute personne qui suit une bid'ah. Hein? Toute personne qui suit une bid'ah, il est obligé de se contredire. Toute personne qui suit une bid'ah et qui contredit la sunna, il est obligé de se contredire tôt ou tard. Et il y a une étude, une thèse qui a été faite, je ne sais pas si c'est un doctorat ou une maîtrise, qui a pour titre justement « Tanaqud Ahlul Ahwa » fait l'aqidah. Les contradictions des gens de la passion dans l'aqidah. Et donc, il mentionne toutes les différentes sectes et les contradictions qu'il y a dans leurs croyances. Il mentionne les Rafida, Shia, après il mentionne les Khawarij, il mentionne Al-Murji'a, il mentionne les Mu'tazila, Jahmiya, tous ces groupes, toutes ces sectes. Comment ils se contredisent et comment ils contredisent le Coran et la Sunna. Même que l'imam Ahmad, il dit dans son livre... Usul Sunna ou bien Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyyah dans son introduction, ils disent mukhalifuna lil kitab, en parlant des gens de bid'ah, ils disent mukhalifuna lil kitab, ils contredisent le livre, mukhtalifuna fil kitab, ils se divergent à propos du livre, entre eux ils divergent à propos du livre, wa muttafiquna 'ala mukhalafati al kitab, ils sont d'accord pour contredire le livre. Hein? Effectivement, c'est ça mais exactement. Et c'est ça la conclusion en fait. Si tu regardes qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla il dit par rapport aux juifs et aux chrétiens, tu vois qu'est-ce que Allah il dit à leur sujet, qu'est-ce qu'il a dit à leur sujet et qu'est-ce qui se passe avec les gens de bid'ah dans cette umma, c'est le résultat de ce que Allah nous avait averti justement à leur sujet. Et juste pour donner un exemple de ce que tu dis là par rapport à ça, on va regarder le verset 12 et 13 dans Surat Al-Ma'idah. Allah Azza wa Jal, il dit « وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit dans le verset 13 et 14. C'était à propos de Bani Israël, al-Yahoud. Il dit dans le verset suivant, فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَطَّلِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et regarde qu'est-ce qu'il dit maintenant. Ensuite, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِنْهُمْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَصُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ça, juste ces trois versets-là, ça nous explique toute personne qui a contredit la révélation parmi les juifs et les chrétiens et qu'est-ce qui leur est arrivé, et toute personne parmi les musulmans qui fait la même chose. Et tu vois que c'est la même chose que ce qui leur arrive aujourd'hui. Regarde, je vais traduire maintenant le verset. Hein? Le verset 12, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie. Allah a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Et on a nommé 12 chefs d'entre eux. Et Allah a dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, que vous acquittiez la zakat, que vous croyiez en mes messagers, les aidiez et fassiez en Allah un bon prêt. Hein? Alors certes, j'effacerai vos péchés. Et je vous ferai entrer au jardin sous lequel coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, rejette la foi et s'égare du droit chemin. Et là, après, il explique. Il dit, et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurcis leur cœur. Et par conséquent, ils détournent les paroles de leur sens. Ils déforment les paroles de leur sens dans le livre. Hein? Ils jouent avec la révélation et ils oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Hein? Donc, qu'est-ce qui a été mentionné dans leur livre? Ils l'oublient, ils cessent de l'appliquer. Et c'est ce que tu vois aujourd'hui. Hein? Et tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leur faute, car Allah aime certes les bienfaisants. Il dit maintenant à propos des chrétiens. Il dit, et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, tu le vois entre les différentes sectes chrétiennes jusqu'à aujourd'hui. Et en Europe, combien de guerres qu'il y a eu entre les chrétiens, les uns contre les autres, parce qu'ils sont tous divisés. Les protestants contre les orthodoxes, les protestants contre les catholiques, les catholiques contre les protestants, et et ainsi de suite. Et des guerres, et des guerres, et des guerres. C'est pour ça, après, par la suite, hein, ils ont été tellement... ils se sont tellement entretués que finalement, à la fin, ils ne savaient plus quoi faire avec la religion. Oui, non, c'est ça, effectivement. Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que ceux parmi les musulmans qui ont suivi leur exemple et qui ont inventé des bid'as et qui se sont divisés dans la religion, le résultat, c'est les mêmes conséquences. Allah, il les punit de la même manière qu'il a puni Bani Israël, la même façon qu'il a puni Ahlul Kitab, Al-Yahoud wa Nasara, eh bien, il punit parmi les musulmans, ceux qui se divisent comme eux auparavant, comme ceux qui se sont divisés auparavant. Et il nous a avertis de ça dans le Coran. Il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue les preuves claires. Donc ça veut dire, ne soyez pas comme eux. Combien de fois Allah il le dit dans le Coran, ne soyez pas comme eux. À chaque fois qu'il nous parle des juifs, à chaque fois qu'il nous parle des chrétiens, il nous dit ça pourquoi? Pour qu'on ne suive pas leurs erreurs. Allah il nous dit, regardez ceux-là, ils ont reçu le livre avant vous. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils se sont égarés. Faites pas comme eux. Soyez pas comme eux. Et malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils n'ont pas compris ça. Parmi les musulmans, il y en a qui disent il faut suivre les juifs et les chrétiens, hein, parce qu'eux, ils ont le livre avant nous. Alors que Allah Azza wa Jalla dit non, ils ont eu le livre avant vous, mais ils se sont égarés. Ne les suivez pas. Hein, vous êtes mieux guidés qu'eux. Même s'ils ont eu le livre avant vous, ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux guidés. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas saisi ça. Donc, ensuite, le cheikh, il explique quoi? Il dit وهنا يقول المصنف بإسناده عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن الإيمان وعليكم السلام ورحمة الله في معنى الزيادة والنقصان فيقول رحمه الله حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أنه عن أبيه عن جده عن عمر ابن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه تلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. هذا الإسناد نبه المحقق إلى ضعفه، لأن هذا أبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد، وأبوه يزيد مجهول في الإسناد، ولكن حتى ولو لم يثبت هذا فإنه ثبت من طرق أخرى، نقل عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc ici, il dit ensuite, وقال وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. نعم الغفلة تنقص من الإيمان لا شك، ويدل عليه حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إني إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات ساعة وساعة ساعة وساعة. فهذا حنظلة اتهم نفسه بالنفاق فيقول نافق حنظلة وعافسنا الأزواج والضيعات ونسينا كثيرا. يعني فرق بين الحالين، الحال التي يعني يذكر الله عز وجل فيها وكأنما يشاهد الجنة والنار وكأنما يشاهد الملائكة وهم لله في السماوات سجدا وكأنما ينظر في الجنة وما فيها من حور وقصور إلى آخره، والنار وما فيها من سلاسل وأغلال إلى آخره، يعني يزداد إيمانه، والحال التي يغفل فيها ويضيع وينقص. Donc le cheikh il a mentionné ici ensuite, il a dit que l'imam As-Sabuni, rahimahullah, il a mentionné une narration de l'imam Ahmad ibn Hanbal avec sa chaîne de transmission, et dans laquelle on pose la question à l'imam Ahmad au sujet de l'augmentation et de la diminution de la foi, et qu'est-ce que ça représente. Et il cite la chaîne de transmission, puis après il mentionne la question, la foi qui augmente et qui diminue, qu'est-ce que ça signifie. Et l'imam Ahmad a répondu, lorsqu'on se souvient d'Allah et qu'on le glorifie et qu'on yani, fait ses louanges, ça c'est son augmentation. Et il dit, et lorsqu'on est insouciant et qu'on, yani, c'est, disons, on s'égare et qu'on oublie, eh bien ça c'est la diminution de la foi. Et le Cheikh Rabi, hafizahullah, il dit, cette chaîne de transmission, le Cheikh qui a fait le tahqir du livre, il a mentionné que le hadith en question, il est faible. Ou bien la narration en particulier, cette narration-là est faible à cause d'un des narrateurs, Abu Ja'far al-Khatmi, il dit son nom c'est Umair ibn Yazid, et son père n'est pas connu dans l'isnad. Mais il dit, même si cette narration-là elle n'est pas authentique, il y a d'autres narrations qui viennent confirmer cette signification-là. et des narrations des Sahaba et des Tabi'in et des imams de l'islam qui ont affirmé que la foi augmente et qu'elle diminue. Elle augmente par les bonnes œuvres qu'on fait et elle diminue par nos péchés. Et après, quand il dit, et quand on est insouciant et qu'on délaisse les choses ou qu'on oublie, eh bien ça c'est la diminution de la foi. Donc le cheikh il dit, oui, effectivement, quand on est insouciant, ça c'est un signe que notre foi elle a baissé. Et il n'y a pas de doute de ça, et il y a un hadith qui indique ça, le hadith de Hanzala al-Asyadi. Et ça c'est un hadith vraiment important dans ce sujet-là. Parce que Hanzala, il a rencontré Abu Bakr radiallahu anhu. Il a dit, Abu Bakr lui a dit, comment vas-tu, ya Hanzala? Il a répondu, yani, je suis devenu hypocrite. Il dit, nafaqa Hanzala, je suis devenu un munafiq. Alors Abu Bakr lui dit, subhanallah, qu'est-ce que tu dis? Yani, c'est grave, comment tu peux te dire que tu es hypocrite? Alors il explique, il dit, quand je suis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle de l'enfer et du paradis. C'est comme si on le voyait avec nos yeux. Puis lorsqu'on sort de chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et on interagit avec nos épouses, avec nos enfants, et puis on oublie beaucoup. Hein? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce même niveau élevé de foi que lorsqu'on est avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, il dit, par Allah, je jure que moi aussi, je ressens la même chose. Alors ils sont partis tous les deux rencontrer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont rentrés et ils ont dit, il a dit, oh messager d'Allah, Hanzala est devenu hypocrite. En voulant dire, je suis devenu un munafiq. Alors le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Alors il lui explique, oh messager d'Allah, quand on est auprès de toi, on est chez toi et tu nous parles du paradis et de l'enfer, c'est comme si on le voyait avec nos yeux. Et lorsqu'on quitte et qu'on va retourner chez nos épouses et qu'on est avec nos enfants, eh bien, on est occupé puis on oublie beaucoup de choses. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, que si vous demeuriez dans cet état dans lequel vous êtes lorsque vous êtes avec moi, eh bien, yani, les anges vous serreraient la main sur vos lits et dans votre chemin, il viendra vous serrer la main. Mais il dit, oh, hamdallah, sa'atun wa sa'a. C'est-à-dire, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça. On ne peut pas toujours rester à un niveau toujours élevé. Donc la foi, elle va augmenter parfois, elle va diminuer parfois, selon le contexte et selon la situation, et ça, c'est normal. Donc, hamdallah, il s'est accusé lui-même d'hypocrisie. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim. C'est un hadith authentique. Hein? Parce que qu'est-ce qu'il a ressenti dans son cœur? Et ça, c'est une preuve que la foi, elle diminue lorsqu'on fait moins de bonnes œuvres et lorsqu'on s'éloigne du rappel. Donc, quand on voit, par exemple, des musulmans qui n'écoutent jamais de rappel sur la religion, ils n'écoutent jamais des durus, ils n'écoutent jamais des exhortations, des rappels des ulama, des paroles sur le ilm et sur la science, des hadiths, le verset de Coran, et l'explication de ces versets-là. Toute la semaine, ils ne font rien. La seule chose peut-être qu'ils ont, c'est le Jumu'ah quand ils viennent à la khutbah. Mais le reste de la semaine, rien du tout. Ça, c'est très très mauvais pour le musulman. Pourquoi? Parce que la science de l'islam, c'est la nourriture de l'âme. Et les ulama, ils disent, tu as plus besoin de la science que de la nourriture et de l'eau pour ton corps. Il faut nourrir ton âme, pas seulement ton corps. Malheureusement, beaucoup de gens sont dans l'insouciance. Alors, comment tu veux que ta foi, elle soit forte si tu t'éloignes du rappel d'Allah, Azza wa Jal? C'est pas possible. Donc, beaucoup de gens, ils posent la question, je sens que ma foi est faible. C'est comment je dois faire pour augmenter ma foi? Eh bien, reste dans le rappel d'Allah, apprends la science, assiste aux durus. Il y a des cours, il n'y a personne qui vient assister. Illa man rahimallah. Quelques frères seulement. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas consacrer une heure par semaine ou deux? Vous venez vous asseoir, vous écoutez le dars. C'est pas difficile et c'est pas beaucoup. Et c'est un grand bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mérites qu'il a mentionnés pour celui qui s'assoit dans le dars, et la récompense qu'il reçoit, c'est immense. c'est gratuit, c'est pas payant. Ouais, c'est triste. C'est triste à dire. Il y a des gens, si c'est gratuit, ils ne viennent pas. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait payer les sahaba pour un seul hadith. Exact, c'est les hasanats, c'est le plus important. C'est ça. C'est ceux qui font payer les gens pour ça, c'est les ikhwan. C'est eux qui veulent faire de l'argent avec l'islam. Mais sinon, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'islam, ni les prophètes, ni les sahaba, ni les ulama et les imams de l'islam faire payer pour la religion, pour apprendre la religion. Jamais de la vie. Hein? Donc, yani, subhanallah, yani, comme Allah il dit dans le Coran, yani, man amila salihan fali nafsi. Celui qui fait du bien, c'est pour lui-même. Wa man asa'a fa 'alayha. Celui qui fait du mal, c'est contre lui. C'est pas seulement la lecture du Coran, c'est pas seulement la lecture des hadiths. Écouter des durus, c'est très important. C'est pas juste lire. Parce que dans la lecture, tu vas lire le hadith et tu vas lire le Coran, mais comment tu vas les comprendre? C'est ça le plus important. Oui, mais les livres de l'explication, si c'est des livres qui ont été écrits par des ulama du passé, ils ont besoin d'être expliqués par des ulama qui vont te traduire ces paroles-là dans le langage d'aujourd'hui. Parce que les gens, l'arabe de l'époque, ils ne savent pas le comprendre aujourd'hui en général. C'est pour ça qu'il faut retourner aux ulama. Et il y a des durus enregistrés de tous les grands ulama de l'islam. Tu trouves divisé par leur site internet. Tu vas sur le livre de Cheikh, le site du Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, il y a plus que peut-être 8000 dars. L'explication de Bukhari, l'explication de Muslim, l'explication de Riyad Salihin, l'explication de Kitab al-Usul al-Thalatha, al-Qawa'id al-Arba'a, al-Usul al-Sitta, Nawaqid al-Islam, Kitab al-Tawhid. Tout ça, c'est expliqué. Tu vas dans le site de Cheikh al-Fawzan, le site de Cheikh bin Baz. Yani, tous les grands imams et ulama, ils ont des sites avec leurs livres. Ce n'est pas suffisant de lire. Et les ulama, ils ont mentionné que ce n'est pas suffisant de prendre la science directement des livres. La science, elle se prend de la bouche aux oreilles, au cœur. Ce n'est pas juste des livres, parce que les livres, tu peux te tromper dans ta compréhension, tu peux te tromper dans ta lecture, tu peux faire beaucoup d'erreurs dans les livres. C'est pour ça qu'il faut toujours retourner au durus des ulama et écouter les ulama. Si tu ne peux pas t'asseoir avec le alim pour apprendre de lui directement et poser tes questions lorsqu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, eh bien, la seule chose que tu peux faire en dehors de ça, c'est de profiter des durus qui sont enregistrés. Et les ulama disent, si tu peux écouter les durus, mais tu ne peux pas assister en personne, tu leur téléphones si tu peux pour leur poser les questions lorsqu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, pour qu'ils te clarifient. Et ça, c'est de, yani, comme on dit, de comment on rejoint les deux bouts, surtout à notre époque. C'est ça. Il faut juste. C'est une question d'initiative, de motivation et d'effort. Et plus tu fais des efforts, plus tu vas tirer. Il n'y a pas de doute. C'est à la quantité d'efforts que tu donnes pour Allah et pour sa religion, et puis c'est ça que tu vas retirer. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.